Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce 8 janvier dont les grandes articulations sont les suivantes. Bujumbura continuera de participer aux négociations dirigées par Benjamin Mkapa. Cela est dit par le secrétaire du gouvernement qui ne comprend pas la réaction du Senared de ne plus vouloir prendre part aux activités organisées par le facilitateur puisqu'ils ne sont pas considérés comme des interlocuteurs valables. Dans ce journal, vous entendrez la réaction de certains habitants de Bujumbura. Le nombre de malades du choléra continue à augmenter dans la province de Cibitoke. Il est actuellement à 114 personnes. La cause de cette propagation est l'usage de l'eau insalubre. En vue de limiter les contaminations, les responsables sanitaires font des sensibilisations sur base des règles d'hygiène. À Bururi, on va parler des lamentations des enseignants vacataires qui viennent de passer près de 3 ans sans être payés. Le directeur provincial de l'enseignement indique que cela est dû aux listes des heures de vacatariat qui ont été mal confectionnées par les directeurs. Le club Wanainchi de Bubanza est maintenant tenant du titre du championnat de football féminin au niveau national. Vous aurez les détails avec notre reporter. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal que vous est présenté par Alida Daikeza. Eric Ouimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. Commençons ce journal par la page politique. Le gouvernement du Burundi reste partie prenante dans le processus de dialogue piloté par le facilitateur William Benjamin Mkapa. Selon le secrétaire et porte-parole du gouvernement, partant de la récente déclaration de la plateforme des opposants burundais Senared, qui disent ne plus répondre à toute activité organisée par Mkapa, Philippe Nzobanariba qualifie le Senared d'association des terroristes non reconnus par le facilitateur. D'après lui, le Senared ne peut pas décliner une invitation qu'il ne recevra pas. Suivez Philippe Nzobanariba. Il a été joint au téléphone par Placide Niyomongere. D'abord, par rapport au Senared, vous savez que c'est une association de terroristes qui n'a jamais été reconnue par le gouvernement, qui n'a même jamais été reconnue par le médiateur. Donc, maintenant que Senared, qui vient d'être agréé par la justice belge, donc qui est maintenant une association de droit belge, donc on se demande comment Senared puisse décliner une invitation qu'elle n'a pas reçue et qu'elle ne recevra pas. Mais deuxièmement, si c'est négocié, alors maintenant que cette nébuleuse est désormais de droit belge, serait plutôt avec le gouvernement belge qu'on négocierait. Or, à ce que je sache, le gouvernement burundais n'est pas en négociation avec le gouvernement belge. C'est une association belge qui n'intéresse que la Belgique et les Belges et qui n'est pas partie prenante dans le dialogue inter-burundais. Avec le Senared, on voit qu'il s'agit d'une plateforme qui regroupe les opposants burundais. Quelles seront alors les parties prenantes, d'après vous, qui participeront dans la suite de ce dialogue? Le dialogue inter-burundais intéresse tous les Burundais de toutes tendances réunies. Tous les Burundais pris de paix, sauf ceux qui ont souscrit au terrorisme et à la criminalité. Et le Conseil de sécurité a, par deux fois et par des résolutions, été très clair que ce genre d'associations et d'individus sont totalement aptes à la justice et exclus de tout dialogue inter-burundais. Puisque ils n'ont pas souscrit à la paix, ils ont souscrit à la violence. Mais le gouvernement burundais répondra toujours présent dans les négociations à Arusha. Moi, vous parlez de négociations, à ce que je sache, c'était plutôt un dialogue entre Burundais. Il n'y a pas de négociations d'abord qui tiennent. Et deuxièmement, le Burundi est toujours prêt et soutient toujours le facilitateur et sa facilitation. Donc, le processus piloté par le facilitateur Mkapa, le Burundi reste toujours partie prenante. À ce propos, certains des habitants de la capitale Bujumbura s'insurgent contre le fait que ceux qui doivent dialoguer pour le rétablissement de la paix au Burundi campent sur leur position. Ils demandent au gouvernement du Burundi et à l'opposition de tout faire pour négocier, car le passé a démontré à suffisance que seul le dialogue est la seule voie pour arriver à une paix durable. Suivez-les. Je pense que c'est ce mandat du président qui a été à l'origine de cette situation. C'est ce mandat qui fait que beaucoup de Burundais et même les politiques fuient le pays. Devant une telle situation, je pense que le gouvernement ne va pas accepter de dialoguer avec les opposants. Le facilitateur a eu un côté penchant pour le gouvernement. D'autre part, les opposants ont raison de ne pas lui faire confiance. Si cette situation persiste comme ça, le dialogue va prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous avez Moi, je pense que si deux personnes s'opposent sur un sujet quelconque, surtout pour l'intérêt de la nation, il faut qu'il y ait un consensus pour voir comment diriger le pays. Sinon, il pourrait y avoir des concessions pour faire avancer les choses. Comme cela se remarque, il y a des conséquences. La sécurité n'est pas assurée et la pauvreté gangrène le pays à cause de la suspension des aides. Nous pensons qu'il y aura un consensus afin de vivre dans la paix. La parole de Dieu dit « Aimez-vous des uns des autres comme je vous ai aimé. Et si vous avez des litiges, réconciliez-vous. De toute façon, les Burundais ont besoin de dialoguer. C'est la seule voie pour arriver à une paix durable. Moi, je vois que le bon comportement de ces politiciens, c'est d'avoir des concessions pour avoir la paix. » Tant qu'il n'y aura pas de dialogue, les prix vont continuer à augmenter, aller même jusqu'à 3 fois. Le peuple qui les a élus croyait qu'il allait se développer, mais en vain. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas dialoguer se trompent parce que la seule solution se trouve dans le dialogue. Retournons un peu en arrière, en 1994, quand le président Buyoya disait qu'il ne pouvait pas dialoguer avec l'opposition. Quand il a vu que les prix des denrées de première nécessité augmentaient, il a accepté de dialoguer. Donc, le gouvernement en place devrait accepter aussi le dialogue pour que le peuple burundais retrouve la paix. Page politique également, les femmes qui sont dans les organes de prise de décision demandent que les 30% qui leur ont été accordés soient augmentés et qu'il y ait parité des genres. Les hommes qui sont dans l'administration disent que les femmes devraient militer plus dans les partis politiques en donnant des cotisations et que celles qui le méritent plus, puissent avoir un poste. Cela a été dit dans un atelier organisé par le ministère de la Personne humaine et du genre dans la province de Gitega. Arthur Kavabushi pour plus de détails. Visiblement, dans cet atelier de 5 jours, le débat est encore long entre les femmes et les hommes qui sont dans les organes de prise de décision quant à la parité des genres. La situation est telle qu'au moment où les femmes demandent que les 30% issus des accords d'Arusha soient augmentés et que le déséquilibre se trouvant entre eux puissent être écartés, étant donné qu'ils ont tous fréquenté les mêmes écoles. Boutoyi Vanessa est conseillère du gouverneur de la province de Karusi, chargée des affaires sociales. Elle est d'accord pour la parité des genres et l'affectation des femmes dans divers services serait une bonne chose du moment que, parmi celles qui ont été sur le banc de l'école et qui sont dans les organes de prise de décision, elles sont capables et jusque-là, personne n'a dit que celle des mérites parce que les femmes, en ce qui est de la production des listes dans les partis politiques, elle dit que les 30% sont approximativement respectés, mais que là même ce n'est pas suffisant. Elle demande par contre que ces chiffres soient augmentés afin qu'il y ait équité. Elle demande également aux parents d'inscrire les filles à l'école et qu'elles terminent leurs études. Ngurube Claver est conseiller du gouverneur de Mwaro. Selon lui, la parité des genres ne devrait pas figurer dans la Constitution. Il demande par contre que les filles soient sensibilisées d'aller à l'école et de faire de longues études tout en évitant les facilités. Il demande également que les femmes devraient militer dans les partis politiques, donner des cotisations, suivre les réunions. Comme ça, elles pourraient être mises dans les organes de prise de décision. Sachez qu'au ministère ayant les droits de la personne humaine, les affaires sociales et le genre dans ses attributions, ils sont en train de voir comment mettre en place une loi sur la parité des genres dans les organes de prise de décision. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Isanganiro. Isanganiro, la radio de l'avenir. page santé à présent. 114 personnes sont déjà atteintes par le choléra dans une période de 9 jours en commune Rugombo de la province de Cibitoki. Parmi eux, 94 sont déjà guéris et 20 sont encore au centre de santé de cette commune. Cette épidémie du choléra s'est déclarée dans les collines de Marambo 1 et 2, Gabiro-Viagira et Munika 2. Un manque d'eau potable dans cette commune est à l'origine de cette épidémie. L'administrateur communal de Rugombo a pris une mesure de ne plus faire la lessive, une interdiction de nager dans la rivière Nyakagunda et 5 restaurants ont été fermés. Le Médecins sans frontières, en collaboration avec les responsables sanitaires à Rugombo et la Croix-Rouge, sont en train de faire des sensibilisations sur les règles d'hygiène et la désinfectation des ménages sur les collines. Page éducation. Certains parmi les enseignants vacataires de la direction provinciale de l'enseignement de Wururi se lamentent qu'ils viennent de passer près de 3 ans sans être payés et demandent d'être régularisés. Le directeur provincial de l'enseignement à Wururi parle d'un petit effectif qui sera bientôt rétabli dans leurs droits. Le point avec Jean-Pierre Misago. Comme l'indique Philippe Nakirutimana, un de ses enseignants, il n'a perçu que la moitié des heures de vacatariat prestées au premier trimestre de l'année scolaire 2013-2014 au lycée communal Kajondi en commune Rutovu. Depuis lors, aucun écho. Cet enseignant d'anglais et ses confrères qui seraient répartis sur toute la province de Bururi demandent au gouvernement burundais de les rétablir dans leurs droits. Firmé Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement de Bururi, reconnaît que quelques enseignants n'ont pas encore perçu leur dû. Il explique que cette situation est le résultat des listes des heures de que certains directeurs d'école ont mal confectionné, des irrégularités actuellement corrigées. Sans être précis, Firmé Bouchoumi dit que le décaissement de ces frais par le ministère de tutelle est pour bientôt. Il informe que là où les rapports de vacatariat ont été bien établis, les enseignants vacataires perçoivent déjà leurs frais de vacatariat du premier trimestre de l'année scolaire 2015-2016. Jean-Pierre Misago de Pouvrouli, Radio Isanganiro. Merci Amisago. Continuons vers Wuwanza où les prix du sucre est devenu un casse-tête dans cette province. Les commerçants vendent 1 kilo à plus de 3 000 francs alors que le prix fixé par l'État est de 2 200 le kilo. Les consommateurs se lamentent et demandent aux autorités de redresser la situation. Le conseiller principal du gouverneur de Wuwanza tranquillise et précise qu'ils sont en train de dresser de nouvelles listes des commerçants distributeurs du sucre et que ceux qui dépassent 2 200 le kilo aujourd'hui vont être sanctionnés conformément à la loi. L'idée avec Space Caritas Kawanyana. Dans certaines boutiques au chef-lieu de la province de Wuwanza, un kilo de sucre ne coûte pas moins de 3 000 francs burundais. À Gihanga, la seule boutique qui dispose du sucre vend à 3 500 francs le kilo et ce commerçant précise que ses fournisseurs lui ont donné ce produit à 3 200 francs le kilo à Musenyi en commune Manda, à Muzinda en commune Rugazi et dans d'autres centre, le prix d'un kilo reste le même, entre 3 000 francs et 3 500 francs. Les consommateurs se lamentent et demandent aux autorités provinciales de résoudre ce problème lié à la commercialisation de ce produit. De son côté, le conseiller principal du gouverneur indique qu'au niveau provincial, on est en train de revoir et redresser les listes des commerçants distributeurs de sucre, car il y en a qui n'ont pas travaillé comme la loi le demande et qui doivent donc être remplacés. Selon Astel Nitunga, conseiller principal du gouverneur de Wuwanza, les vendeurs qui donnent le kilo de sucre à plus de 2 200 francs connus par la loi seront bientôt sanctionnés. C'est Caritas Kabanyana, Wuwanza, Radio Isanganiro. Merci Aspès. Rendons-nous à Muyinga où les cabaretiers ne respectant pas les prix récemment fixés par la Brarudi seront frappés d'amendes et leurs débits fermés. C'est la mise en garde des autorités de la province Muyinga où certains gestionnaires de cabarets continuent à fixer les prix comme bon leur semble. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. Si le produit Brarudi, certains gestionnaires de débits de boissons majorent les prix en violation des prix officiels pourtant affichés sur les entrées des cabarets. Sur les affiches portant la signature du gouverneur de la province Muyinga, un Fanta doit se vendre à 700 francs, mais par endroit, c'est 800 ou 900 francs par bouteille. Et pour la bouteille de Primus, Le prix officiel est de 1400 francs, mais certains cabaretiers haussent le prix jusqu'à 1700 francs. Pareil cas pour la Moustère et la Royale, au moins 200 francs de plus. Pour les consommateurs de ces produits, le non-respect des prix officiels est devenu habitude à Muyinga. Et si l'administration parvient à faire respecter les prix récemment communiqués par la Bralubi, le prix de Primus va par exemple chuter ici à Muyinga au lieu d'augmenter. Avant la hausse des prix, la bouteille de Primus était vendue à 1500 francs alors que le prix officiel était de 1300 francs. Aujourd'hui, les cabaretiers doivent s'amender et vendre la même bouteille à 1400 francs. Baden de Jumaïne, le conseil économique du gouverneur de la province Muyinga, rassure. Les cabarets violant les prix officiels s'exposent à des amendes, voire à des mesures de fermeture. Il revient aux consommateurs de dénoncer les spéculateurs. Dans la soirée de samedi, certains cabaretiers se sont vus contrôlés par des jeunes qui exigeaient le respect des prix officiels à tort à prix de ceux qui étanchaient leur soif dans certains cabarets au chef-lieu de la province Muyinga. Dieudonné Nzeyimana, Muyinga pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Il est 13h11 à Bujumbura et vous écoutez le journal. La mesure interdisant de griller les maïs le long des routes n'a pas été bien accueillie par la population qui vivait de ce petit commerce chef-lieu de Ngozi. Parmi les raisons de cette décision, d'après l'administrateur communal de Ngozi, figure la protection de la récolte car elle était en totalité acheminée à ces endroits. Reportage d'Apollinaire Muzagara. Le long des différentes rues du chef-lieu de la province Ngozi se trouvaient bon nombre d'endroits où on grillait le maïs. Les passants, les maçons et aides-maçons s'approvisionnaient en maïs surtout aux environs de midi pendant le repos et prenaient un verre d'eau en vue de continuer le travail après-midi. Depuis 3 jours, l'administrateur de la commune Ngozi a interdit ce petit commerce de griller le maïs à ses entres. Motif selon son Gabriel Latiavou, la protection de la récolte. Cette dernière est acheminée à ces endroits, oubliant la famille alors qu'auparavant, le maïs fut transformé en farine et aidait beaucoup les foyers pendant la période de disette. Cette pratique de griller le maïs le long des routes favorise aussi le banditisme dans les champs. À cela s'ajoute aussi le fait que le consommateur jette le reste de maïs grillé n'importe où, ce qui crée l'insalubrité dans la ville d'Ngozi, en chéri l'administrateur Songambéry Ladjav. Ceux qui vivaient de ce commerce ne savent plus sur quel pied danser, indiquant que cette activité faisait vivre bon nombre de foyers en Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Dernier élément de ce journal avant de le terminer. C'est ce samedi que le championnat de football féminin au niveau national en première division et en deuxième division a été clôturé. Le club Wanainchi de Bubanza a été champion après avoir éliminé sur tir au but Fofila Dongozi. L'équipe 11 étoiles de Kinama en mairie de Bujumbura a quant à elle battu Ubunusar de Kayanza et s'est qualifiée en première division. Les détails avec Évariste Nzikobanyanga. Le match de clôture du championnat en deuxième division a opposé 11 étoiles de Kinama et Ubunustar de Kayanza. Le match s'est terminé sur le score d'un but à zéro en faveur des 11 étoiles. Le président des 11 étoiles, Ernest Nkurunziza, a salué la victoire qui a permis à son équipe de se qualifier en Ligue A. C'est vraiment la consécration. Ces jeunes viennent de permettre à l'équipe 11 étoiles qui a inscrit son nom dans les annales de l'histoire du football féminin. Depuis longtemps, c'est l'équipe la plus ancienne de celle qui joue actuellement, qui provient de Kinama. Je félicite ces joueuses qui viennent de démontrer que leur technique est vraiment très bonne. Je suis très heureux. Lors de ce match de championnat de football féminin, comme au cours du championnat, participent des joueuses qui ont des enfants qui doivent téter. Ces derniers pleurent pendant que leurs mamans sont en plein match comme celui-ci. Le président des 11 étoiles indique que cela doit avoir lieu et souligne que ses enfants sont encadrés malgré leurs pleurs. C'est le genre. Les femmes, ce sont des jeunes filles qui jouent. Après, c'est normal, ils font des foyers. Mais quand ils font des foyers, ils ont des enfants, c'est normal. Et comme ils aiment le football, quand il y a un grand match comme celui-ci, ils ne ratent pas l'occasion. Et nous, on les assiste au niveau de la logistique. Ces enfants ont bu du lait. On mangeait quelque chose tout en assistant au match. Il y a ceux-là qui pleurent, ça ne gêne pas leurs mamans joueuses qui sont sur le terrain. Il y a un encadrement. Les mamans qui sont sur le terrain, celles qui ne sont pas en train de jouer, les coéquipières,